Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin en train d'étudier la parole de Dieu, d'étudier l'évangile de Marc, qui nous présente Jésus comme étant celui qui va établir le royaume de Dieu. Le Messie qui vient écraser la tête du serpent, qui vient démontrer la puissance du royaume de Dieu versus le royaume des ténèbres. Mais on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, il est bon de pouvoir s'arrêter encore une fois et de regarder ta parole. Oh, cette parole source de lumière, source de vérité. Cette parole qui a le pouvoir de nous éclairer. Cette parole qui a le pouvoir de nous montrer là où on se trompe, d'enlever la folie de nos cœurs et de mettre la sagesse. Cette parole qui a le pouvoir de renouveler notre intelligence. Elle a le pouvoir de confronter le mensonge qu'on a accumulé à travers les années. Même en tant que chrétien, des fois. On comprend des choses, on voit des choses, on les voit pas bien, mais ta parole nous a été donnée pour clarifier, instruire, fortifier. Oh Seigneur, que ce matin puisse servir à cela. Et si elle atteint cela dans nos vies, nous allons mieux t'aimer, mieux te servir, mieux t'adorer et mieux te faire connaître. Au nom de Jésus. Amen. Résumons un petit peu. Chapitre 3, on voit la pression qui monte à un point tel que les différents groupes religieux s'unissent pour faire mourir Jésus. On a vu ça au verset 6, n'est-ce pas? Et une de ces raisons-là, on a vu, c'était le sabbat. Et une, le sabbat dans le sens que Jésus ne faisait pas ce que eux croyaient que Jésus devait faire, et les disciples, le jour du sabbat. Et on a vu aussi que Jésus reçoit de la pression de la part des chefs religieux parce qu'il détourne les foules d'eux et ils se tournent vers lui. Et on voit que Jésus a beaucoup plus d'autorité maintenant dans le peuple d'Israël que tous les scribes et pharisiens. Donc, ils sont en colère. Donc, on voit qu'ils travaillent toujours. Ils n'ont pas arrêté de travailler par en arrière, sous-jacent. Ils suivent, ils expionnent et ils soulèvent les gens contre Jésus. On a vu ensuite que Jésus est toujours assemblé de foules, d'énormes foules. C'est la folie. On veut tellement le toucher pour être guéri que Jésus a demandé de mettre une petite barque aux côtés afin d'être protégé de la foule. Aussi, on voit l'attitude des démons. Les démons connaissent Jésus, connaissent la puissance de Jésus, et au lieu de se faire détruire ou anéantir ou périr, ils veulent se soumettre à cet homme qui est le Fils de Dieu, qui est le Saint de Dieu. Pas soumettre dans le sens là que les êtres humains sont appelés à se soumettre au royaume de Dieu, mais se soumettre pour pas être détruits. Mais ils vont rester rebelles toute leur vie à Dieu. Et on a vu hier que Jésus, pour rencontrer les besoins, pour se multiplier, il avait pris avec lui 12 apôtres pour les enseigner de façon particulière afin qu'ils puissent aller prêcher et chasser les démons. Mais ils le font tellement et ça devient on a de la misère, là. On a de la misère, nous autres, à visualiser ce qui s'est passé, là. Nous avons vu hier des foules de tout le pays d'Israël, du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, de tous les territoires du pays d'Israël. On s'est envenus et on suivait Jésus. Et ça a fait un chaos total dans le peuple d'Israël. On a de la misère à concevoir tout ce qui pouvait se passer. Imaginez-vous des foules de 10, de 15, de 20 000 personnes qui se déplacent et qui suivent Jésus. C'est la frénésie totale. Totale. Et le texte que nous allons lire ce matin nous démontre encore une fois cet engouement qu'il y avait dans la foule pour Jésus. Imaginez-vous si nous avions vécu à ce temps-là et que vous étiez des malades, vraiment affectés, ou que vous avez un enfant qui est aveugle, qui est paralytique, qui est sur le point de la mort. Ne feriez-vous pas la même chose? Bien sûr qu'on ferait la même chose. On se serait garroché là avec notre enfant qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas voir, qui est sourd et muet. On aurait foncé, on serait dépêché d'aller là le plus tôt possible pour être le plus proche de Jésus, afin qu'avoir une chance qu'il guérisse notre enfant ou notre femme ou notre mari ou notre père, notre mère. Donc, après avoir choisi ces 12, nous allons voir ce qui arrive au verset 20 du chapitre 3. Jésus et ses disciples, ils se rendirent à la maison. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Dépendamment de la traduction de la Bible que vous avez, ce texte-là peut être traduit différemment au verset 21. Tout le monde a à peu près la même chose au verset 20. Donc, le verset 20, les disciples qui ont été choisis viennent avec Jésus. Est-ce que c'est les saints, comme j'ai dit hier, un chiffre fictif, qui viennent avec Jésus, qui suivent Jésus, qui ont été choisis sur la montagne, ou c'est juste les 12? Peu importe, ils s'en viennent et ils vont jusqu'à la maison de Pierre et André, qu'on pense, à Capernaum. Ils viennent à la maison et aussitôt qu'ils arrivent à la maison, la foule s'assemble de nouveau. Encore une fois, c'est par milliers qu'on s'en vient vers Jésus. C'est vraiment la frénésie, c'est vraiment le chaos qui se passe là. Jésus, comment je dirais, dérange les coutumes des villes où il passe. Et c'est tellement fort ce qu'ils font, c'est tellement accablant qu'ils n'ont même pas le temps de manger. C'est la base. Si tu ne manges pas, tu crèves. Tu peux dire, ils n'ont pas le temps de jouer, ils n'ont pas le temps de se reposer, ils n'ont pas le temps de regarder la TV. Il y a des petites choses que si tu n'as pas le temps, tu peux vivre avec ça. Mais quand tu es rendu, tu n'as pas le temps de manger, tu es rendu au bout, là. Ça veut dire que c'était tellement fort ce que les foules imposaient à Jésus et aux disciples. C'était tellement accablant ce que les foules imposaient à Jésus. Et là, le verset 21, là, c'est là qu'arrivent les différentes interprétations. Les parents de Jésus, ayant appris ce qu'il se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Le mot les parents de Jésus ici, il y a des bibles qui traduisent les amis de Jésus, les proches de Jésus, la parenté de Jésus, ceux qui se. Il y a différentes traductions là. Qui sont ces gens qui ont appris ce qui se passait? Qui sont ces gens? C'est certainement pas ceux qui étaient les 12, les proches de Jésus, dans le sens, les proches dans ses disciples, parce qu'ils étaient avec lui. Mais il y a des gens qui ont entendu parler de ce qui se passait et qui veulent venir et le saisir, le prendre et l'enlever à la foule. Qui sont ses parents? Bon, il y a une partie des commentateurs qui disent que c'est des amis, des proches, des gens qui connaissaient Jésus, qui veulent le sauver, on pourrait dire, l'empêcher d'être anéanti par la foule, pour son bien-être. Mais là, ça donne des petits problèmes d'interprétation, parce que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de dire qu'il est hors de sens? Et là, le mot, là, c'est pas juste que Jésus a un petit peu de misère, Jésus il a perdu les pédales. Non, ça va plus fort que ça. Il y a même des gens qui, des interprètes qui disent que démoniaque, qui serait, il y aurait des problèmes, là. Le terme est fort. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Ce terme est employé pour Paul ailleurs, qui est pas très, très élogieux. Est-ce que les parents de Jésus du verset 21, c'est les mêmes parents que le verset 31? Sa mère et ses frères. Personnellement, je crois que oui. Et là, la plupart des gens, ils ont beaucoup de misère à mettre Marie dans les parents au verset 21. Ah, oh, il y en a qui n'ont pas de misère à mettre les frères de Jésus, parce que les frères de Jésus n'étaient pas encore des croyants. Puis on voit qu'il y avait certaines, un peu de jalousie. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en mêleraient si ils ne l'aiment pas? Ici, Marie et les frères de Jésus viennent. Je crois qu'ils viennent, ils ont appris ça, ils sont pas là, ils sont pas proches de Jésus, sont peut-être encore à Nazareth. Mais ils viennent parce qu'ils ont entendu dire ce qui se passait, ce qui arrivait, et ils veulent le prendre et l'enlever. Pour le sauver de lui-même, parce qu'ils croient que c'est trop. Ce qui arrive, ce qui se passe, ce qui vit, il croit qu'il est devenu, il est capable de contrôler la situation. Et qu'il est devenu, qu'il a de la difficulté, là. Peu importe, le sens semble vouloir dire qu'ils sont vraiment aux côtés de la coche. Que Jésus est aux côtés de la coche, qu'il est devenu, qu'il a perdu la boule. Et là, on a de la misère à penser que Marie pouvait penser ça. C'est tellement rentré fort dans notre tête que ça se peut pas que Marie. Les frères de Jésus, oui, mais Marie, non. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui traduisent la parenté, les proches, les amis. Mais moi, je crois, à cause que Marc revient au verset 31, là, sa mère, il après, ils s'en viennent pour le faire, et là, il arrive au verset 31. Je crois que si on enlevait le passage de 22 à 30, on n'aurait pas... Tout le monde dirait, c'est la mère de Jésus et ses frères qui sont rendus là. Vous savez, moi, personnellement, je me dis, oui, c'est eux autres, la frère de Jésus et sa mère, parce qu'ils sont eux autres dépassés par l'événement. Ils sont comme, ils n'en peuvent plus, parce que ça les affectait, eux autres aussi. Ça les affectait, eux autres aussi. Faut pas penser que Jésus, maintenant, faisait tout ce qu'il faisait là, et que sa famille n'était pas affectée. Or, je crois que sa famille devait être affectée énormément, dans tous les sens du mot. Affectée par la pression que ça mettait sur eux autres, le dérangement que ça pouvait les amener, la difficulté que ça voulait les amener, et je crois que les chefs religieux pouvaient mettre de la difficulté sur eux autres. Les rabbins, les scribes, les pharisiens, qui étaient dans leur synagogue, je sais qu'ils ont été probablement persécutés, eux autres aussi, à cause de cela. Je ne suis pas surpris que pour eux autres, ça va trop loin. Pour eux autres, ça va trop loin, et Jésus est devenu accablé, il est dépassé par l'événement. Il a perdu sa capacité, là. Il faut le retirer de là, il faut l'enlever de là pour son bien-être. Vous allez voir qu'ils ne sont pas les seuls qui vont passer comme ça. Plus on va arriver vers la fin de la foule, vers la fin de l'évangile, dans tous les évangiles, finalement, beaucoup de gens vont se tourner contre Jésus. Ils vont se tourner contre Jésus. Parce que c'est la pensée de tous les gens. dans tous les mouvements religieux, quand on va vers un dieu quelconque ou vers un gourou quelconque, tant qu'il fait notre affaire, tant qu'il fait ce que l'on veut, tant qu'il nous comble dans nos besoins, on l'applaudit. Mais quand il se tourne, il se détourne de nos propres projets, quand il comble pas nos attentes, on riposte par le négatif. Vous savez, mes frères et sœurs, combien j'ai vu de gens, moi, dans ma vie, qui ont cheminé pour un temps avec Jésus et qui ont exalté Jésus, qui ont dit que Jésus était le Messie, qui ont dit que Jésus était le Fils de Dieu, qui ont dit que toutes sortes d'affaires par rapport à Jésus. Puis même, il y en a même qui se sont fait baptiser au nom de Jésus, mais qui finalement, à travers les mois et les années qui ont suivi, viennent à rejeter Jésus, se dissocier de Jésus, renier Jésus, même apostropher Jésus, même dire du mal de Jésus, parce que Jésus n'a pas comblé leurs attentes. J'en ai connu des centaines. Et je sais que vous en connaissez vous aussi. Et on connaît des mouvements religieux au complet, qui ont pour un temps fonctionné avec la parole de Dieu et finalement ont rejeté l'évangile. Et maintenant, ils prêchent un évangile centré sur l'homme, pour les besoins de l'homme, des théologies qui sont aux côtés de Jésus, qui ne voient plus Jésus comme étant Dieu. Les miracles, c'est des inventions des apôtres. Pourtant, 50 ans avant, 100 ans avant, ces mouvements religieux-là enseignaient la parole de Dieu. Donc, c'est pas surprenant ce qu'on voit ici. Même sa famille ne comprenait plus ce que Jésus était en train de faire avec ses disciples. Même sa famille avait de la misère à accepter ce qu'il faisait. Ses frères n'ont pas cru avant, je crois qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Et on va voir demain, je crois en partie, la raison que tout cela se passe dans le peuple d'Israël. Notre bon Père du ciel, si nous avons cru, c'est grâce à toi. Si nous continuons à croire, c'est grâce à toi. Et Seigneur, les foules se sont divisées par rapport à Jésus. Des multitudes vont finir par dire, c'est un fou. C'est un démoniaque. C'est un serviteur de Béelzébuth. Une autre partie de la foule, bien plus petite celle-là, va dire, c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu fait chair. Et nous croyons en lui. Seigneur, merci. Merci de nous avoir gardés fidèles jusqu'à ce jour. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Au nom de Jésus. Amen.